se dire et pour se rappeler qu'il y a bien pire que nous dans le monde. Mmh. Avant ça, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est mieux qu'hier dans la moitié sud ce mardi. On retrouve quelques gros nuages, mais tout de même de belles éclaircies en règle générale. De la pluie cette fois par contre sur les Pyrénées, on va en reparler. Sinon pour le nord, pas de soucis encore aujourd'hui. Du grand soleil pour tout le monde. Les températures remontent un petit peu. Cet après-midi, il fera 22 à Dijon, 23 à Toulon, 26 pour Laval. Après le Var et les Bouches-du-Rhône hier, cette fois c'est donc au tour de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales de passer la journée sous la pluie. Les trois départements sont en vigilance orange ce mardi. Les premiers orages ont éclaté cette nuit et ça devrait durer encore quelques heures. Cette fois, un petit retard à l'allumage. Les syndicats ont attendu un gros mois pour faire leur rentrée sociale. Grande journée de mobilisation nationale ce mardi contre la politique d'Emmanuel Macron. Les fonctionnaires, les salariés du privé, les profs sont appelés à manifester, à faire grève un petit peu partout en France. Des perturbations annoncées dans les transports au niveau local, dans les administrations, à la fac et dans les écoles. Dans l'actu également, MeToo, balance ton porc. Un an après les premières révélations, 600 femmes appellent désormais à marcher en France contre les violences faites aux femmes et le sexisme. Des actrices, des journalistes, des féministes, célèbres ou non, organisent ce grand rassemblement. Il est prévu le 24 novembre dans tout le pays. Hashtag nous toutes sur les réseaux sociaux. Redouane Faïd refait parler de lui. Le braqueur arrêté la semaine dernière après 3 mois de cavale est en grève de la faim. Il proteste en fait contre l'incarcération de ceux qui l'ont aidé à se cacher. Sa logeuse et plusieurs membres de sa famille sont également derrière les barreaux. Du foot, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. 7 Français dans les vainqueurs potentiels, 6 champions du monde, plus Karim Benzema. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann figurent donc parmi les favoris, même si ce sera dur de lutter avec des géants comme Messi, Ronaldo ou Luka Modric, le milieu du Real Madrid. Les journalistes ont un petit peu moins de 2 mois maintenant pour faire leur choix. Rendez-vous le 3 décembre pour connaître le nom du lauréat. Allez au boulot, Jane enfile une nouvelle fois son bleu de travail pour les besoins de la promo de son deuxième album. Le dernier extrait s'appelle Oman, dans lequel elle teste cette fois des sonorités plus orientales. Jane prépare aussi en ce moment sa grande tournée des Zéniths, prévue de mars à juin prochain. La chanteuse d'ailleurs est nommée au Energy Music Awards cette année. Vous votez comme d'habitude sur energy.fr. On termine dans un tout autre style. Le film sur Barbie devrait bel et bien se faire. Le problème, c'est le studio qui est à l'origine du projet. Il a beaucoup de mal à trouver son actrice principale. Après Amy Schumer ou encore Anna Taouest, cette fois c'est Margot Robbie qui est en discussion avancée pour jouer le personnage basé sur la célèbre poupée. Margot Robbie, déjà vue notamment dans Tarzan ou encore dans Le Loup de Wall Street. 6h02, c'est la fin de ce flash, on est mardi 9 octobre. Bon réveil, bonne matinée. Comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9 qui commence. Et nous, on se donne rendez-vous dans une petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Très bonne journée. Hello! Bonjour Paulette! Coucou les petits loups! Bonjour Glandier! Des bisous! Bonjour Nico! J'ai faim! Et bonjour papa! Tu te tais! Allez, ça commence! Je parlais à Nico! Tu vas pas commencer maintenant! Pardon! Quand est-ce qu'on arrive? Oh putain! Tu n'as pas encore d'enfant, Nico. Ouais, je sais. Mais tu verras un jour que ces phrases-là qu'on a tous prononcées en voiture, ouais. On se pose le cul dans la voiture, on dit on arrive bientôt. Ouais. Et ben ouais. Tu verras ensuite, les enfants le font aussi. Bah oui. Et les enfants le feront aussi. Ouais. Oh, mon Dieu. J'ai l'impression qu'on est toujours punis. En fait. Ouais. Et les parents leur mentiront de la même façon à chaque fois. On arrive bientôt. Ouais, c'est ça. Alors que non. Mais moi, quand ma fille, elle me dit on arrive bientôt, je lui dis oui, on arrive bientôt. Oui. Et si tu dormais? C'est ça. Soyez les bienvenus sur Énergie, nous sommes mardi, c'est le 9 octobre, il est 6h03 et cette journée, on va la démarrer tous ensemble. Dès maintenant, vous pouvez nous rejoindre comme chaque jour, notre numéro de téléphone, c'est le 0870 42 48, c'est gratuit, je vous le rappelle, que vous nous appeliez d'un fixe, d'un mobile, ça ne vous coûte rien. Il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Facebook et il y a l'application Manu dans le 6-9, n'hésitez pas, ouais. À tout moment, yes. Vous nous envoyez des messages sur l'application, c'est les messages vocaux. On les écoute et on les partage avec vous pendant toute l'émission. Calvin Harris arrive dans 2 minutes. Avant ça, qu'avez-vous de... Oh. Qu'avez-vous Je sors le soirée. Qu'avez-vous envie de partager avec nous pour démarrer cette journée? Nico. Moi j'ai un petit jeu à vous proposer. Ah ouais, ah, cool. C'est sympa ou pas sympa? Vous me dites. On doit dire, tu dis des trucs et on doit dire si c'est sympa ou pas. Ouais, là je vais dire un truc et vous allez tous me répondre. Ok. Je pense avant la réponse déjà. Ok, vas-y. Hier avec ma femme, hier soir, on est allé manger chez les amis. Oui. On arrive et le menu était des endives au jambon. Pas pas sympa. Pas sympa. Oh là là. Voilà. Je savais que vous alliez dire ça. Il est bien ce jeu. Ah, tu vois, c'est simple, efficace. Hein. Ah oui. C'est pas bien de faire ça. Hein. Ah non, c'est pas bien. C'est pas sympa. J'ai eu pire une fois, on m'avait fait des rognons. Oh là là, non, non. Ah, tu demandes, ça c'est risqué quand même, tu demandes. Mais c'est quoi ces gens qui font des plats chelous quand ils t'invitent à manger? Non, surtout que j'avais demandé, tu vois, j'avais dit est-ce qu'on amène quelque chose, quel va être le menu? Vous inquiétez pas, ça va être une surprise. Ah putain, la surprise quoi. Ah, c'est pas sympa mais comme surprise. Mais non, mais c'est des vrais amis ou c'est des connaissances? Ouais, non, c'est une très bonne pote de ma femme en plus, qu'on voit assez régulièrement. D'habitude, ils viennent manger chez nous, bah j'ai compris pourquoi. Du coup, ah ouais, j'irais plus manger chez eux. En fait, je sais pas lequel des deux avait fait à manger, mais c'est l'autre qui a dit eh bien non, on va manger chez eux, on va manger chez eux. Parce que lui ou elle n'en peut plus des endives aux jambons. Ah ouais. Oh, pas sympa. Hein, ah, c'est sympa. Bien, voilà, c'est sympa bien. Ou pas sympa, c'est simple comme jeu finalement. C'est un bon jeu. Ouais. Sympa ou pas sympa? Ouais. Glandu. J'en ai un. Vas-y. Quand tu laisses un enfant gagner un jeu vidéo, sympa ou pas sympa? Bon, c'est sympa. Ouais, ah, moi je trouve pas. Pourquoi? Ah, ouais. Parce que tu lui apprends pas la dure réalité de la vie. Plus tard, quand il va chercher du travail, il va aller voir le monde extérieur. C'est pas un jeu vidéo, le monde extérieur. Oui, mais dans le monde extérieur, c'est rare que tu te retrouves sur une petite voiture avec à côté de toi Mario et Yoshi et que tu te lances des bananes. Oui, ouais. C'est vrai. C'est un jeu vidéo, c'est pas ouais, là. Ouais. Moi, ma fille, de temps en temps, je la laisse gagner une fois sur 10. Oh là là, voilà. Est-ce que c'est sympa ou pas sympa? C'est bon, on peut continuer ça. Ouais, c'est cool. Sympa ou pas sympa? 0870-42-48 ou sur Twitter avec le hashtag Malu dans le 6-9. Sympa ou pas sympa, Paulette? Offrir des fringues à un pote, des fringues qu'on n'aime plus. À un pote ou une pote. Oh. Oh. Sympa. Ah. Bah, c'est compliqué. C'est pas sympa, quoi, parce que tu sais qu'il y a forcément un truc derrière. Bah oui. Mais je pose la question. Mais si tu les mets plus. Si tu les aimes pas, pourquoi tu veux les mettre à une copine? Peut-être que t'as vécu un truc avec un ex avec qui te l'avait offert ou un truc comme ça, t'as plus envie de la voir, quoi, la fringue. C'est bien connu, oui, toi, les fringues que les ex t'ont offert, même si tu trouves bien la fringue, tu vas vraiment la donner, oui, c'est sûr. Moi, je trouve ça hyper sympa de filer des fringues comme ça. Ah. C'est trop bien. Attends, on en a jamais assez des fringues. Si. Et puis ça coûte cher. Si. Moi, je suis pour le troc. Avant, si tu veux, on troque ensemble, Paulette. Bah, troquez ensemble. Troquez ensemble, ça fera plaisir à ton mec, Isabelle. Ouais. Et je t'assure que vous avez assez de fringues. Vous avez même trop de fringues. Je vais te dire un truc, la planète a trop d'habits. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Le réchauffement climatique, c'est important, mais le trop de fringues aussi. On peut continuer un peu, sympa ou pas sympa? Allez, 6h07, dans 3 minutes, c'est les concours du jour. Juste avant, c'est Calvin Harris avec Sam Smith sur Energy. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Kiss in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. The Bienvenue sur Énergie, il est 6h10. Ah, Yana Kamoura, elle m'avait manqué. Ah ouais. J'avais pas écouté depuis, elle m'avait manqué. Djokja, ça arrive pour vous. Avant ça, voici comme chaque jour, et eux aussi m'avaient manqué, les concons du jour. Ouais. Des gens improbables qui font des choses improbables. On démarre en Suisse. Une femme au volant s'aperçoit qu'elle a oublié son paquet de pain d'épices sur le toit de sa voiture. Ça arrive. Ouais. Du coup, elle s'arrête pour le récupérer, mais dans une montée et sans mettre le frein à main. Aïe, aïe. Et ce qui devait arriver, arriva. Ah. Bah, la voiture a commencé à reculer, elle a déballé la pente, elle a percuté 3 voitures garées. Oh. Coût des dégâts, 50 000 euros. Waouh. Tout ça pour du pain d'épices, alors qu'en plus, c'est même pas bon. Ouais, c'est vrai. En Bretagne, maintenant, un automobiliste s'est fait arrêter pour avoir roulé à 190 km/h au lieu des 100 km/h autorisés. Ouais, ouais. Il a donné cette explication. Je n'ai pas supporté d'être dépassé par une autre voiture. J'ai tenté de la rattraper pour la doubler à nouveau. Oh non. Le mec n'a plus de permis, il a pris un gros PV. Il a peut-être confondu la route et un circuit de Formule 1. Ouais. Oh, bim. Oh là là là là là là. Ça, c'est la Paulette que j'aime. Mais dites donc, vous confondez la route avec un circuit de Formule 1. C'est ça, monsieur. C'est sans doute ce que lui ont dit les gendarmes. Non, sans doute. Ouais. Ils lui ont mis une petite tape dans les cheveux. Allez, file, coquin. Dernier concours du jour. Ça se passe dans la Loire. Une entreprise qui devait installer des poteaux électriques de nuit dans une rue a créé la surprise auprès des habitants. Le lendemain, au réveil, ils ont installé un des poteaux au milieu de la route. Oh là, mais vraiment pile au milieu de la route, ce qui empêche évidemment les voitures de circuler. Oh non. Et l'entreprise a dit cette phrase magique: on a apparemment mal calculé. Et à aucun moment le mec s'est dit: oh, c'est chelou quand même, non? Ouais. Je suis au milieu de la route. Non, ah ouais. Le mec, il a mis son poteau, il a dit: hey, j'ai bien bossé, je vais me coucher. Allez, 6h12, les concours du jour reviennent demain à la même heure. Aya Nakamura arrive dans 3 minutes et on va faire le petit jeu qu'a proposé Nico. Ah oui. Ah ouais. Sympa ou pas sympa? Ah ouais, sympa. On vous a fait quelque chose, on vous a pas fait quelque chose. Est-ce que c'est sympa, pas sympa? Bougez pas. Manu dans le 6. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. C'est Norman de Norman fait des vidéos. Faites comme moi, tous les matins écoutez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il paraît que ça fait gonfler le sexe. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, moi jusqu'à présent j'avoue que c'est pas la folie, mais j'y crois. On croise les doigts. Allez, à bientôt. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'ai une info sur Norman. Ouais. Alors ça n'a pas marché, d'ailleurs. Ah. Et deuxième chose, il s'est fait opérer de l'appendicite. Ah j'ai ah, vu. Ah ouais. Oui. Ouais. J'ai vu ça. Ouais, c'est ouais. Fou. Il hein. a même mis sa photo sur Insta avec lui à l'hôpital. Exactement. Mmh. Ouais. C'est, on a vraiment aucune info pour pour arriver à lire les noms des gens qui se sont fait opérer de l'appendicite. bon retour à lui. Oui. Ouais. Courage mec. 6h16, Aya Nakamura sur Énergie. Juste après, on vous prend au téléphone au 0870 42 48. Elle a pas moi, encore. Elle a pas pimé qui baza. J'entends des bails atroces en main. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Katana baby to the top. Oh Katana baby. Oh cha cha. Oh cha cha. Oh cha cha. 6h19, bienvenue sur Énergie. On va écouter Dinoro et Gigi D'Agostino. Ça arrive dans 3 minutes. Mais avant ça, on fait le jeu qu'a proposé Nico. Ouais, ah, oui. Le principe est simple. On dit des choses et on se demande si c'est sympa ou pas sympa. Ouais. Je peux commencer. Vas-y. Ok. Quand quelqu'un vous propose d'aller acheter des fringues avec vous en vous disant allez, je vais t'acheter. Viens, on va t'acheter des fringues. Ah. C'est hyper sympa, Manu, ouais. Ça. C'est un moment de complicité. Non, c'est hyper vexant. Ça veut clairement dire que tes fringues, elles vont pas et que la personne, elle se dit bon, allez, je vais t'acheter les fringues. Oui, à la base, c'est pas hyper sympa, mais finalement, c'est pour t'aider et que tu sois ouais. mieux. Donc c'est sympa et c'est du temps qu'elle prend cette non, personne. Non, c'est pas sympa. C'est pire que de je te dis que c'est pas mais sympa. Mais elle te laisse tout seul sinon tout le monde se moque de toi dans ton dos. Faut bien quelqu'un fasse quelque chose pour toi. Ouh là là. Oh ah c'était pas pour toi. C'était un cas général. Oui, c'est pas ouais, pour ouais. moi. Ouais. Bien sûr, on parle en général. Oui, bien sûr. Je n'oserais pas parler de moi. Pardon. Bien sûr, évidemment, il n'y a aucun problème avec le choix okay. des habits. Bon, ok, donc c'est sympa. On va passer à autre chose. Ouais. Sympa ou pas sympa. On a Vanessa qui est avec nous au téléphone. Bonjour Vanessa. Salut Manu, salut les Wanwan. Salut. Bienvenue sur Énergie Vanessa, on t'écoute. Alors, sympa ou pas sympa de se faire inviter par ses beaux-parents en Corse et devoir se faire le ménage toute la semaine et tous les repas. Oh. Mais attends, quand tu dis devoir, c'est-à-dire qu'ils t'ont dit, alors maintenant on t'a invité en Corse et maintenant c'est toi qui fais tous les repas et le ménage. Et ils l'ont bien fait comprendre, oui. Waouh. Ah. Bah c'est pas sympa. Voilà. Bah non, c'est pas sympa. Ouais. C'est pas sympa, c'est femme de ménage gratuite, quoi. C'est ça. C'est pas très sympa. En même temps, tu peux feinter. C'est-à-dire, les repas, ça peut être des petits pique-niques. Hop. Ouais. Un peu de concombre, un peu de tomate, une boîte de thon. Hop. Et puis le ménage, ou sous le tapis. Nico, ouais. Nico, ouais, dis-moi. Ouais. Nico, fais-moi penser à ne jamais aller en vacances avec. T'inquiète. Voilà, j'ai pas envie de manger des boîtes de thon en vacances. Je te le dis vraiment. Merci de nous avoir appelé, Vanessa. Il y a Sandra sur Twitter qui dit sympa ou pas sympa que ton copain te propose de te prendre rendez-vous chez le coiffeur. Oh. Bref. Oh. Ah ouais, je trouve ça pas très sympa. Ouais. Parce que ça veut vraiment dire que là faut vraiment faire quelque chose parce que là tu ressembles à un caniche quoi. Ouais. Ouais, même. Non, moi je trouve ça sympa, vous avez jamais le temps, donc on le fait pour vous, c'est une preuve d'amour. Non, c'était ton copain, t'en propose à toi. Ah, fille. Ouais. Ah pardon, j'avais pas compris. D'ailleurs je te propose. Ah tu vois que c'est pas sympa. Quand c'est sur soi, ça marche plus. Hein. C'est ça. Sympa ou pas sympa, Nico. Sympa ou pas sympa quand quelqu'un te dit que t'as de la salade entre les dents. Ça c'est compliqué. Ouais. Mais c'est trop sympa. C'est trop sympa les gens qui font ça. Ils te sauvent la vie, ils te sauvent ta journée, tu souris, tout le monde est là. Non mais s'il te prend dans un coin en te disant fais gaffe, t'as un petit bout de salade, ok. Ouais. Mais si t'as 10 personnes et bah alors Hervé, on a de la salade dans les doigts, là c'est problème. Ouais, c'est si il te le dit au dessert alors que tu l'as depuis l'entrée, ouais, là c'est pas sympa. Et qu'il a eu le temps de prendre 12 photos. Ouais, c'est ça. Caroline, bonjour. Salut Manu, salut les Wawa. Bienvenue sur Énergie, 0870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Caroline, sympa ou pas sympa, on t'écoute. Alors sympa ou pas sympa que ton copain t'offre un aspirateur pour ton anniversaire. Pas sympa. Non, pas sympa. Ah non, c'est pas sympa l'aspirateur en cadeau. Pas sympa, à part si tu l'as demandé, bien évidemment. Et oui. Que t'as le meilleur, le mais dernier. Ah oui, vraiment, c'est vraiment. Non, mais en plus, j'ai hyper besoin d'un aspirateur en ce moment. Mais vraiment, c'est-à-dire que si on te demande quel non, est non. le cadeau que tu voudrais, tu vas dire un aspirateur. Honnêtement, là, celui sans. Mince, avec juste un bras là. Ah oui. Qui se passe partout, honnêtement, là, je le veux. Donc, moi, sympa pour moi. Mais si je l'ai pas demandé, oui, je suis hyper vexée. Ouais. Ça veut dire chez toi, c'est sale. Ah oui, oui. Clairement. C'est vrai que tout s'écroule avec Paulette. C'est non, pas sympa, mais je le veux donc, ouais, quand même. En fait, je crois, Paulette, que n'importe quoi qu'on lui propose, elle dira sympa. Merci Caroline de nous avoir appelé. Sur Twitter, il y a Alexis qui dit sympa ou pas sympa, quelqu'un dans la rue qui te guide pour faire un créneau. Alors, c'est ni sympa ni pas sympa, c'est humiliant. 6h23, on va écouter Dinoro et Gigi D'Agostino tout de suite. C'est Manu dans le 6-9, c'est Énergie. Bon réveil.

Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2000 euros plus 36 loyers de 99 euros. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 euros hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Voir conditions sur Renault.fr. La 4G est illimitée chez Free ? Mais non ! Mais si ! Mais non ! Mais si ! Et c'est les seuls dans un forfait à 15,99€ par mois. Offre soumise à condition, réservée aux abonnés Freebox avec mobile 4G en France métropolitaine. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Mais non ! Mais si ! Leclerc. Gisèle, est-ce que vous connaissez ce vin ? AOP Saint-Joseph, le Ténébreux 2017, je devrais ! C'est l'un des incroyables de la foire au vin Leclerc. Moins de 12€ la bouteille, avec de la viande ou du fromage, c'est l'accord parfait. À partir du 2 octobre chez Leclerc, la bouteille AOP Saint-Joseph, le Ténébreux 2017 de 75 centilitres est à 11,90€. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.macaf.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous avez le don tous les ans pour trouver des vins incroyables à des prix. Sélection Leclerc, créateur de la foire au vin. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 6h31, on va écouter Dadju. Et juste après, c'est les sondages du matin. Mais avant ça, voici les infos, parce que les infos, c'est important. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Bonjour à tous, toujours cette alerte aux orages dans le sud de la France ce matin. Attention, trois départements sont concernés, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Sinon, les éclaircies vont revenir en force aujourd'hui avec même du grand soleil dans la moitié nord. Nouvelle dégradation en revanche dès demain, au meilleur de la journée. Il fera 21 à Montauban, comptez 22 à Sochaux, 23 à Sedan, jusqu'à 24 pour Bergerac. Les transports, la fac, les administrations, première journée de mobilisation nationale depuis la rentrée pour les syndicats. Les fonctionnaires et les salariés du privé sont donc appelés à manifester dans tout le pays contre la politique globale du gouvernement. Plusieurs grands dossiers sont sur la table avec des réformes à venir, notamment pour les retraites. Dans l'actu également, cette très bonne nouvelle, malgré un climat social particulièrement tendu, c'est vrai, les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont plutôt le moral. L'optimisme des moins de 25 ans en France augmente nettement cette année de plus de 14 points selon un sondage. Pour 73% des le travail en intérim est un très bon moyen de débuter la carrière. Booba, Caris, suite et fin, un mois après leur procès, deux ans après leur bagarre à Orly, deux mois après leur bagarre à Orly. Les rappeurs seront fixés donc aujourd'hui sur leur sort. Le tribunal rendra sa décision ce mardi concernant le clash de l'été. Booba et Caris risquent une grosse amende et même de la prison. Verdict aussi le 3 décembre, mais dans un autre domaine. Les journalistes ont un petit peu moins de deux mois maintenant pour désigner le prochain Ballon d'Or. On connaît la liste des 30 nommés depuis hier. Les Français, évidemment, sont très bien représentés. 6 champions du monde, plus Karim Benzema parmi les favoris. Mbappé et Griezmann pourraient bien décrocher le trophée tant convoité, même si la concurrence est rude avec évidemment Messi ou encore Ronaldo. Vous aviez peut-être oublié son nom, mais certainement pas sa voix. 4 ans après le succès de Budapest, Georges Ezra revient avec son deuxième album, Staying at Tamara's, Séjour chez Tamara en français. Si le Britannique avait composé son premier projet en tour du monde, cette fois c'est à Barcelone qu'il s'est fixé pour travailler en toute simplicité. Au lieu de prendre une chambre d'hôtel, j'ai préféré rejoindre une colocation sur Airbnb. Et mon hôte s'appelait Tamara. Je suis resté chez elle pendant un mois. Après 2 ans passés en tournée, c'était la première fois que je restais aussi longtemps au même endroit. Je me sentais un peu comme à la maison. J'ai enfin eu le temps de m'habituer à une douche ou à un lit. J'y avais tous mes repères. Barcelone est une ville assez petite pour tout visiter, mais assez grande pour s'y perdre. L'architecture, le mode de vie, le soleil, c'est tout ça qui a influencé mon album. Le cap de la vingtaine est un moment clé. On change, on devient réellement celui que l'on veut être. Je ne m'en étais pas vraiment rendu compte quand j'étais en tournée. C'est une fois là-bas que j'ai réalisé qui j'étais devenu. Voilà pour cette interview de Morgan Barthélémy, Staying at Tamara's, le deuxième album de Georges Ezra avec notamment le single Shotgun. C'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne journée sur Énergie. Il est 6h34 minutes, ça veut dire que dans 5 minutes, juste après Dadju, ce seront les sondages du matin. Oui. Ouais. En moyenne, un couple fait ça 69 minutes par semaine. Wow. De quoi il s'agit ? La réponse, ça arrive dans 5 minutes. Alors ça, quelques infos. Aujourd'hui, c'est le 9 octobre, journée mondiale. Ouais. Journée mondiale de la poste aujourd'hui. Ah, ah ouais, de la poste. Okay. Ben oui, de la poste, Isabelle, c'est ce que je viens de dire. Non, mais ça m'étonnait qu'il y ait encore une journée de la poste, mais je trouve ça bien. Et vous allez encore à la poste ? Bah oui. Ouais. Bah, ah ouais, quand on reçoit des colis, d'accord, oui. Les colis, c'est, okay. C'est-à-dire que quand on reçoit des colis ou des lettres recommandées, oui, on doit y aller, Isabelle. D'accord. Tu le sais. Et comme les trois quarts du temps, quand ils te livrent un colis, ils disent que la personne était absente alors qu'on était chez nous. On était chez nous, on avait posé notre journée pour avoir ce colis-là, mais on est obligé d'y aller. Mais ils le font exprès pour que les postes restent ouvertes. C'est ça. Ah, tout oui. Simplement. C'est ça, ouais, c'est ça la vérité. Exactement. C'est marrant parce qu'il y a certaines postes, dans les grandes villes surtout, il ouais. y a des postes qui ont 12 guichets. Ouais. Oui. Ouais. Jamais les 12 guichets ne sont ouverts. Non. Ça n'existe vrai. Pas. Non. Je n'ai jamais vu une poste avec tous les guichets ouverts. Il n'y en a toujours que deux. Ouais. Pourquoi ? Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un excès d'optimisme au départ ? Ouais. C'est quoi le truc ? Bah non mais justement, c'est à l'époque de l'âge d'or de la poste quoi. Peut-être qu'un jour, il y a eu des 12 guichets ouverts aujourd'hui. Ah, mais on parle d'un temps Aznavour. Ouais, il y a très très longtemps, c'est ça. Ouais, il fut un temps, les enfants, écoutez bien. Ouais. Il y avait tous les guichets ouverts à la poste. Oh. Écoutez, bonne journée mondiale à la poste. Bonne fête aux chiots et chatons des calendriers de la poste aussi. Ah, ouais, qui, je vous le rappelle, aujourd'hui sont morts. Hein, oh là là. Bah, attends, des photos de chatons. Tu sens qu'ils sont morts en regardant la photo. Ah ouais, mais ouais. C'est des vieilles photos d'il y a 1000 ans, les photos de chatons là. Oh, t'exagères, ils sont mignons encore quand même. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient pas mignons, je dis qu'ils sont morts. Ouais. Ou alors c'est des chatons qui sont empaillés, je sais pas. Moi. Faites un coup de neuf dans vos calendriers. Ouais. Allez, 6h36, dans 3 minutes, c'est les sondages du matin, juste après Dadju sur Energy. Bienvenue, c'est Manu dans le 6-9, on démarre la journée ensemble. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer. Un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Non, non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot. Non. Tu peux lire sous ses paupières, déterminée. Elle agit, elle ne parle pas, y en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Bien comment gérer sa vie, charismatique, elle est sexy, elle prend soin d'elle malgré tous les soucis, elle prend des risques, elle réfléchit, pas besoin de te demander ton avis, son objectif, la réussite, son amour ne connaît pas de limites, fort caractère, elle sait dire non. Tout assumé. Nous sommes le 9 octobre. Je pense que c'est un bon jour pour faire un point sur notre vie amoureuse. Ah ouais. Alors, allez. Où en est votre vie amoureuse en ce moment? Vous pouvez nous appeler 0870 42 48. Pourquoi? Parce que la mienne n'est pas terrible. Oh. Faisons un point, j'aimerais bien que la vôtre soit aussi nulle que la mienne. Ok. On va écouter Jean Gézerin dans 2 minutes. Et avant tout ça, voici, comme chaque jour, les sondages du matin. Ah. Ouais. À propos

monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. T'es comme les autres en fait, tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux, on croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur, par la fenêtre j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs, on attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Sur Énergie, il est 6h52. À 7h05, on va doubler votre salaire. C'est peut-être vous qu'on vous appelle. C'est peut-être vous qu'on vous appelle. Ouais. Je m'améliore. C'est peut-être vous qu'on appelle, qu'on va appeler tout à l'heure. Il suffit de vous inscrire énergie.fr ou m'aller dans le 69.com. Les Maroon 5 arrivent. J'avais une liste de phrases entendues chez Ikea. Ah ouais. Je vais vous la sortir après, parce que avant, excusez-moi. Breaking news. Hier, je viens de l'apprendre maintenant, Google a annoncé la fermeture du réseau social Google+. Ah bon ? Ouais. La vraie question c'est, avait-il vraiment ouvert Google+ ? Ouais, c'est dur. Je suis pas sûr que ça choque grand monde en soi. Non. Ouais, ouais. Je vois qu'il y en a qui manifestent devant Google. Ah mais même le patron de Google a fait, on l'avait encore ça. Ah ouais, étonnant. Ouais. Bon, j'ai une liste de vraies phrases de clients chez Ikea. Ce sont des vendeurs qui les ont compilées. Ouais. Écoutez bien. J'ai perdu mon caddie, est-ce que vous pouvez faire une annonce micro pour le retrouver? Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme annonce? Ouais, ouais. Si je paye en 6 fois, ça fait combien en menstruation? Oh non. Non, ce ne sont pas des menstruations, ce sont des mensualités. C'est ça. Bonjour, je voudrais une applique murale, mais qu'on fixe au mur. Oui, du coup, ouais. C'est d'où le principe de l'applique murale, effectivement. Vous pensez que tout ça va rentrer dans ma voiture? Ça dépend, vous avez quoi comme voiture? Une grise. Bonne info. Bonjour, vous vendez des télés? Non, monsieur, ce sont des factices. Ah, mais moi, je m'en fous de la marque. Magnifique. Et un petit dernier. Bonjour, madame. Dans un lot de 4, il y en a combien? Oh, ben non. Ouais. Et voilà. Okay. 6h55. Il y a pire que nous. Ouais. Les Maroon 5 arrivent et on double votre salaire dans 10 minutes pile à 7h05. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Il répondait au nom de Manu, de 6h à 9h tous les matins. 6h, 9h30 tous les matins sur Énergie. Faux stars préférés reviennent tout à calme. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Les Energy Music Awards avec Refix.fr. Vivez l'événement en devenant le meilleur fan. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only.

venez nous raconter votre histoire. 0 870 42 48. Ou alors, vous pouvez laisser un message vocal sur l'application Manu dans le 6-9. Vous allez voir le nombre de gens qui se sont réparés à cause des chats. C'est un truc de dingue. Voici les infos tout de suite. On double votre salaire dans 5 minutes et on va écouter les Maroon 5. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est un petit peu mieux qu'hier dans la moitié sud. Ce mardi, on retrouve quelques gros nuages, c'est vrai, mais tout de même de belles éclaircies en règle générale. De la pluie cette fois sur les Pyrénées, on va en reparler. Et sinon, pour le nord, pas de soucis encore aujourd'hui. Du grand soleil pour tout le monde. Les températures remontent. Cet après-midi, il fera 22 à Dijon, 23 à Toulon, jusqu'à 26 pour Laval. Chacun son tour. Vigilance aux orages en cours ce matin sur le sud de la France. Après le Var et les Bouches-du-Rhône hier, trois nouveaux départements sont donc concernés. L'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Les fortes pluies d'ailleurs ont débuté cette nuit. Ça devrait durer encore quelques heures. Une première depuis la rentrée. Les syndicats appellent à la grève aujourd'hui dans le public mais aussi dans le privé. Les retraités se mobilisent également contre la politique d'Emmanuel Macron. Ça nous donne quelques perturbations dans les transports, surtout au niveau local, mais aussi dans les écoles, les facs et les administrations. De nombreuses manifs sont organisées un petit peu partout. Dans l'actu également, c'était il y a un an maintenant, les premières révélations, les premiers scandales de harcèlement. Depuis, les hashtags MeToo et Balance ton port ont été repris des milliers, des millions de fois sur les réseaux sociaux. 600 femmes appellent à marcher en France contre les violences et le sexisme. Elles sont journalistes, actrices, féministes, célèbres ou pas, peu importe. Pour elles, il faut absolument que ça change et vite. Ce grand rassemblement est donc prévu le 24 novembre dans tout le pays. Redouane Faïd en grève de la faim. Le braqueur dénonce le traitement réservé à ses complices, ceux qui l'ont aidé dans sa fuite. Sa logeuse, plusieurs membres de sa famille sont comme lui derrière les barreaux depuis la semaine dernière. On passe au sport avec le foot et le trophée individuel le plus prestigieux. Le nom du Ballon d'Or 2018 sera connu le 3 décembre. D'ici là, les journalistes vont devoir voter pour désigner leurs favoris parmi une liste de 30 noms dévoilés hier. Des finalistes en quelque sorte avec 7 Français dont 6 champions du monde. On croise les doigts pour Mbappé ou encore Griezmann. Jane enfile son bleu de travail, la tenue avec laquelle elle a décidé de promouvoir et illustrer son deuxième album Soldier, à présent disque d'or. Elle en extrait un nouveau single, Oman, dans lequel elle s'essaie à des sonorités plus orientales. C'est en effet un grand voyage que devrait rassembler sa tournée des Zéniths, ressembler sa tournée des Zéniths entre mars et juin prochain. La chanteuse est nommée aux Energy Music Awards. Vous votez évidemment sur energy.fr. Et puis c'est l'un des couples les plus célèbres au monde. Ken et Barbie devraient bientôt se retrouver au cinéma. Hollywood prépare en tout cas un film sur la poupée qui fait rêver les petites filles. Reste à trouver une actrice puisqu'Amy Schumer et Anna Taoué ont décliné. Cette fois, c'est donc Margot Robbie qui est en discussion pour jouer le personnage. Margot Robbie, déjà vue notamment au cinéma dans Tarzan ou encore Le Loup de Wall Street. 7h03, c'est la fin de ce flash. Très bon réveil, bonne matinée. On est le mardi 9 octobre et comme d'habitude, vous retrouvez Manu dans le 6-9 à cette heure-ci. Bonne journée. Bienvenue, il est 7h03, c'est Manu dans le 6-9, nous sommes le 9 octobre, bonjour mardi! Bonjour mardi! On va doubler votre salaire dans 2 minutes, on va écouter les Maroon 5, et c'est le retour dans une dizaine de minutes de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Georges qui va tenter de rompre. Avec quelqu'un avec qui il n'est pas, puisque c'est une intelligence artificielle et que ce sont des messages automatiques. Ouais. Ouais. Et pourtant, on va lui répondre. Tranquillement, il se met la France à dos. Hein. C'est oui, bien. Bah, petit à petit. Ouais. Avant ça, quelques infos. Alors, aux États-Unis, écoutez bien cette histoire. Un homme cale une porte de sa maison depuis 30 ans avec une énorme pierre qu'il avait trouvée dans son jardin. Ouais. Et un ami passe et lui dit : je suis sûr que ta pierre, c'est une météorite. L'homme vérifie auprès de spécialistes et effectivement, c'est une météorite. Wow. Mais c'est pas tout. C'est même, selon la science, la 6e plus grande découverte de météorite au monde. Oh, mais non, c'est incroyable. Ils lui ont acheté la météorite pour 100 000 euros. Wow. Pour un caillou, quoi. Wow, ça fait cher le caleporte quand même. Ouais. C'est ouf. Ah oui, mais il est reparti avec. Alors maintenant, il a 100 000 euros en plus, mais la porte ne tient pas. Et bon. À propos de météorite et de science, on parle souvent d'une éventuelle colonisation de la planète Mars. Ouais. Vous savez, oui. Ça arrive souvent. Ouais. Lorsque la planète Terre ira mal, on pourra aller sur Mars. Ah oui. Sauf que une nouvelle étude dit que ce sera plus compliqué que prévu. Aïe. La raison, si on vivait sur Mars, les rayons cosmiques de la planète auraient de graves conséquences sur notre système digestif et notre flore intestinale. Ah mince. Et du coup, bah, en gros, bah du coup, on dit qu'on serait sur Mars, on serait content. Ouais, on est cool, on serait sur Mars. Et qu'est-ce qu'on ferait? Et oh voilà. Non, mais non. Choisis ton camp, camarade. Ouais. Quel beau résumé. Et voilà, c'est pas moi, c'est les cosmonautes. Tu comprends pourquoi ils mettent des scaphandres maintenant? Alors, allez, 7h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Energie.fr, Manu dans le 6-9.com ou l'application Manu dans le 6-9. Ça prend quelques secondes, vous vous inscrivez et c'est totalement gratuit. Je vais appeler Camille, elle habite Istres, c'est dans les Bouches-du-Rhône, elle a 35 ans et elle touche 1669 € chaque mois. Camille, on t'appelle maintenant pour doubler ton salaire. Juste après, il y a les Maroon 5 qui arrivent. Attention. Allô? Allô Camille? Oui. Camille de Istres dans les Bouches-du-Rhône. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu de Rénergie! Oui, c'est ça! Waouh! Ça va, Camille? Ma foi. Alors, j'ai dit que tu avais 35 ans, je t'ai mis 10 ans en plus, tu as 25 ans. Ah ouais? Pardon, je suis désolé, Camille, ça arrivera bien trop tôt, profites-en. Oh non! Ça va. Tu touches 1669 € chaque mois. Je vais doubler ton salaire. Ça va faire 3338 € pour toi. Wow. Merci. Je t'en prie. Tu es tout ému. Ça va? Oui, ça va, je tremble un peu, mais ça va. Ça y est, c'est passé. Ça y est, tu l'as fait, Camille. Ouais. Camille est organisatrice de croisières de luxe. Wow. C'est ça. Oh la classe! Ah ouais? Cool. Et c'est des croisières qui valent très très très très cher? C'est ça, c'est des clients très très riches qui veulent faire de très très belles destinations et je m'occupe de tout. Oh là là là là! Et genre, ouais. Par exemple, ça coûte combien une très très belle croisière avec des gens très très riches? Par personne, on peut aller jusqu'à 35 000 euros. Mais non! Oh là là! Mais bah cool. Non. Ah oui! Non, non, non. Ah, je m'attendais pas à ça. Ouais. Ah ouais. 35 000 euros, mais autant qu'ils s'achètent un bateau, là, du coup. Et tu vas où à ce prix-là? C'est quoi l'endroit le plus ouf où t'as envoyé des gens? Le plus fou, l'Antarctique. Wow. Ah ouais, classe. Ouais. Bah, excuse-moi, enfin, je préfère aller au soleil. L'Antarctique, c'est dingue. Mais tu peux aussi, hein. Alors, mais oui. L'Antarctique, c'est cher parce qu'effectivement, bientôt, il n'y aura plus. Donc, ouais. Il faut en profiter. Ouais. Il y a quoi au petit-déj quand on paye aussi cher? Tout ce que vous voulez. Ah il y a ouais un petit déj, il y a du bacon, il y a des œufs, il y a des cuisiniers qui vont vous faire ce que vous voulez sur mesure. Il y a du homard, il y a du foie gras, enfin il y a plein de choses. Du homard et du foie gras à 7h. Non franchement, tu sais quoi franchement, non franchement ta croisière elle est nulle. Hein. Camille, on te double ton salaire, 3338 €, ça arrive très vite pour toi, bravo. Ben merci, vous êtes géniaux. Et ben merci à toi d'être là chaque matin avec nous. Et ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com. Les Maroon 5 sur Energie. Bon réveil. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you, guys like me, just when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like you, me, do what I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sur Énergie, il est 7h11, on va écouter le dernier Maître Gims dans 3 minutes et c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Il envoie des messages automatiques à des gens qui lui répondent. Ouais. Restez avec nous, c'est dans 5 minutes. Avant ça, quelques études. Parce qu'il y a toujours des études qui arrivent tout le temps et on les prend. La première, sur l'alcool. Alors écoutez bien, on sait que le trop boire c'est pas bien, mais il y a une étude qui vient de sortir qui dit que les gens qui boivent régulièrement vivent plus longtemps que les gens qui ne boivent pas du tout l'alcool. Ah ouais. C'est spécial, hein. Ouais. Et ça fait peur. Enfin, moi, en tout cas, je pense au nombre de fois où j'ai failli arrêter de boire. Non, mais c'est vraiment, faut arrêter de boire. Il y a une autre étude qui est sortie qui dit que, en fait, c'est zéro alcool par jour. Hein. Une vraie étude très sérieuse. Ah ouais, ouais. Même pas un verre de vin. Même pas un verre de vin. Mais ouais. Non, faut arrêter vraiment. Hein. Ah ouais. Oh. Ah. Ouais. Je vous ai déprimé. Faut bien mourir de quelque chose. Hein. Oh, le poche trop du bar. C'est ça. Oh, le mec accoudé, tu sais, qui arrive même plus à mettre son coude sur le bar. Ouais, faut bien mourir de quelque chose. Hein. Non, autant pas mourir de ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À propos d'espérance de vie, j'ai une étude là-dessus. Écoutez bien, les résultats sont sans appel. Les femmes vivent en moyenne 2 ans et demi de plus que les hommes et en bonne santé. Eh ouais. Alors, je vais vous dire un truc. Votre réaction, eh ben, je la trouve très juste. Parce qu'en fait, il est impossible pour moi de se réjouir de cette étude. Ouais. Nous, les hommes, on peut pas se réjouir parce que sait qu'on va mourir 2 ans et demi plutôt que nos femmes, par exemple. Et les femmes peuvent pas se réjouir parce que ça veut dire qu'elles vont voir l'homme de leur vie, par exemple, mourir 2 ans et demi avant elles. Mais carrément, c'est horrible. En vous souhaitant une bonne journée. C'est cool, ça. Une autre. J'ai une étude sur la mort. Cool. Non, sur les habits. Ouais. Selon une étude, nous paniquons tous en moyenne 36 fois par an parce que nous avons l'impression de n'avoir rien à nous mettre. Ça fait quand même à peu près 3 fois par mois. Mais 36 fois, c'est rien pour moi par an. Ah oui. C'est tous les mois, la moitié du mois. Mais c'est pratiquement tous les matins, devant ton armoire. Toi, ça se voit. Manu. C'est pas cool. Pardon, Isabelle s'est sortie tout seul. En plus, c'est vraiment que pour la vanne. Ouais. Ok, bon allez, je te l'accorde. Quoique quand même hier, par exemple. Je vous rappelle qu'hier, Isabelle avait quand même une chemise de cow-boy. Et que la photo est toujours sur notre page Facebook et Manu dans le 69.com. Vous pouvez aller la voir. Si vous aimez la country, vous pourrez danser. Ouais, Facebook l'a pas encore supprimé, donc allez-y vite. C'est quoi, ils peuvent nous supprimer notre compte. On leur dira, mais il n'y avait personne à poil. Non, mais elle était en chemise country. Ouais, on vous a signalé plein de fois, donc. Allez, lourdeau. Alors, écoutez bien la suite de l'étude. En vérité, nous avons environ 53 vêtements dans nos placards. Il y a juste des choses qu'on ne veut plus porter. C'est-à-dire que vous dites, j'ai rien à me mettre, je panique, alors qu'en fait, c'est juste des choses que vous ne voulez plus porter. Ouais. 74% d'entre nous avons d'ailleurs des choses dans notre placard que nous ne porterons plus jamais, mais nous les conservons pour des raisons sentimentales. Ouais. Et puis t'as aussi beaucoup de trucs qu'on ne peut plus porter, rapport à si on a pris un peu de poids, etc. Et on se dit, un jour, ça va re-rentrer dedans. Mais non. Et ce jour-là n'arrive jamais. Hein. Mais non, mais c'est compliqué parce que ça prend vachement de temps, parce que moi, à chaque fringue que je dégage, je fais un deuil. Du coup, ça prend vachement de temps, tu vois. Ça veut dire quoi que tu fais un deuil? Bah, j'ai pendant 2 ou 3 heures, je suis là. Ouais, en fait, je l'aimais bien. Et puis, ça me rappelait ça, alors que la fringue est partie, tu vois. T'es débordé, toi, en ce moment. J'arrête pas. Ah, mais tu sais quoi, mais t'as tellement de problèmes dans la vie. J'en parlais avec un ami qui vient de perdre toute sa famille dans un incendie. J'étais là à le consoler et il me disait, ouais, mais tu sais, moi, j'ai pas le deuil à faire de mes robes. Hein. Et il m'a envoyé un petit mot pour toi, pour te consoler. Je l'embrasse. 7h15. Maître Gims arrive dans 3 minutes et c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Manu dans le 6-9. Oui, c'est Manu et tous ces ouin ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. C'est Florent Manodou. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, alors, enfin, pas ouais. Florent Manodou, mais sa sœur Laure Manodou. Elle a 32 ans. Ah. Mais comme on n'a pas de jingle de Laure Manodou, bah, ouais, du coup, j'ai mis celui de Florent Manodou. Et voilà. Ouais, c'est malin. Mais j'ai une info sur Laure Manodou. Ah. Elle a dit dans une interview, j'ai déjà dépensé 7000 euros pour voyager en jet privé et voir mon amoureux seulement 20 minutes. Wow. Wow. Très bien. Moi, un jour, j'ai laissé mon ex prendre dans mes frites au resto. Superman. Ouais. Bah, voilà le résultat. Aujourd'hui, je suis seul. Hein. Et elle a eu mes frites. Franchement, j'ai tout perdu. Allez, on enchaîne. Voici Georges. Manu dans le 6-9. L'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France est de retour. Et aujourd'hui, Georges doit annoncer qu'il quitte quelqu'un. Ouais. Et il l'appelle pour lui dire. Sauf qu'évidemment, il ne peut quitter personne puisque c'est une voix artificielle et que ce sont des messages automatiques. Mais pourtant, la personne lui répond. Allô ? Bonjour. Je ne sais pas comment te le dire. Oui ? Je me lance. Oui ? Tout est fini entre nous. Mais vous appelez qui ? Ce n'est pas toi, c'est moi. C'est toi qui ? Surtout ne t'accroche pas, ça va te faire de la peine. Ben non, ben moi je vous connais pas. Notre relation était vouée à l'échec. Mais j'ai pas de relation, moi. J'espère que tu seras heureuse sans moi et que tu retrouveras un copain ou un mari. Mais j'ai pas,

Et elle t'a grondé pour ça? Alors que tu lui fais à manger, gentiment, ça arrive de casser des œufs sur le plat. Oui. Que celui qui n'a jamais cassé un œuf me lance la coquille. Ça arrive à tout le monde. Oui. Toi, tu n'es qu'amour. Et elle, elle te dénigre. Elle est un peu dure, mais elle te dit... Enfin, en gros, c'est un message pour te dire de faire attention, d'être un peu plus soigné dans ta présentation. Mais il a fait attention, mais ça arrive. Non, tu le dis souvent, Manu, donne de la confiture à Jean et te le rendra en chiant. Mais exactement. Oui. C'est pas sympa, ça. Exactement. Tu sais quoi, Geoffrey, la prochaine fois, tu lui donnes l'œuf et tu lui poses comme ça. J'ai dit, tiens, bah, t'as qu'à le cuire avec tes fesses. Oh, voilà. Toi, c'est le centre d'accueil des hommes. Ouais. Ah, on est entre nous. Je voudrais pas. Geoffrey, courage à toi. On est avec toi. Ouais. Nico, toi qui es en couple. Oui, le toi seul, qui le résiste dernier. Encore dans l'équipe. C'est vrai. Tu t'es fait gronder. Bah oui, toujours, toujours. On t'écoute. J'ai ma femme qui m'a grondé parce que maintenant, mon fond d'écran, c'est plus elle, mais c'est ma nièce. Bah oui. Et elle m'a grondé, quoi. Alors, désolé, mais c'est l'excitation du moment. Ma sœur vient d'avoir un enfant. Mais oui, bien sûr. Ça fait 10 ans que tu l'as en fond d'écran. Ah ouais. Et maintenant que t'en parles, je peux te le dire, elle est saoulante cette photo. Oh non, Manu. Non, mais peut-être qu'elle a eu une petite peur, qu'il y a un petit manque d'amour ou quelque chose comme ça. Elle avait besoin d'être un tout petit peu rassurée, c'est tout. Excuse-moi, mais avoir juste une photo sur le smartphone, c'est pas un truc pour rassurer, mais ça. Mais oui, elle avait juste besoin d'un petit mot d'amour. Non, c'est de la jalousie mal placée, ça ne se fait pas. Et c'est un gros manque de respect à ma nièce en plus qu'elle fait, ma femme. En plus, la nièce, elle peut pas se défendre. Ouais. La nièce, elle peut pas venir en disant mais tu m'as enlevé sur le smartphone, elle peut pas parler. Voilà. Alors, on a Philippe avec nous au téléphone. Bonjour Philippe. Salut Léo. Oh là là, je sens que toi ça va pas bien Philippe. Tu t'es fait gronder. Ah oui, puis pas qu'un peu. En fait, je me suis fait gronder parce que j'ai lancé une machine en mettant de l'adoucissant plutôt que de la lessive. Ah, mais comment on fait la différence entre deux flacons en plastique avec un liquide bleu dedans? Je suis d'accord avec toi Philippe. Ouais. Je pense que les adoucissants et les lessives ont été fabriqués par des femmes pour que les hommes se trompent. Mais oui. C'est ma théorie du complot à moi. Ouais. Chacun son complot. Hein. Les garçons, c'est quand même juste écrit dessus. Hein. Ouais. Je veux dire assouplissant, lessive. Oui, c'est pas dur, quoi. Alors je te renvoie là-dedans. Quand vous montez un meuble IKEA ou que vous avez un nouvel appareil, vous lisez jamais la notice. Bah, je te dis, c'est écrit dessus. Okay. Quand vous nous dites l'imprimante, elle marche pas et que j'arrive, il faut juste brancher la prise. Y a Bim. Et c'est pareil. Et la machine, c'est bien plus compliqué. La machine, tu sais pas. Ouais. La machine, tu comprends pas, et 30 degrés, 40 degrés, le blanc et le noir. Trop bordélique. Ouais. Oh, inventer des vêtements qui se lavent tout seuls. Oui. Philippe, on est avec toi, courage à toi. Il y a Nicolas qui vient d'appeler. Bonjour Nicolas. Salut Manu, salut les Wawa. Tu t'es fait gronder toi aussi? Ah ouais, et ouais. J'imagine même pas en plus ça. Raconte-nous. Alors moi, je me suis fait gronder par ma femme parce que j'ai fini sa tablette de chocolat. Pourquoi elle avait sa tablette de chocolat? Ah ouais, écoute, elle a ses goûts spéciaux et tout, donc le petit chocolat Milka au lait praliné là. Bah moi il a pas résisté, hein, il a fini dans mon ventre. Mais oui, mais tu vois Nicolas, t'as fait un geste d'amour en l'empêchant d'avoir des grosses fesses et voilà comment elle te juge. Mais quoi, bien sûr. Mais en mangeant du chocolat, on le sait, mais ça oui. nous fait grossir les fesses. Ouais. Là Nicolas, c'est quoi ce qu'il vient de faire? Il vient de faire un sacrifice. Non, c'est ça. Oui. Nicolas s'est sacrifié tout simplement. C'est le héros du jour. Ouais, bravo Nicolas. Voilà. Il a pris le chocolat de sa femme pour éviter qu'elle grossisse. Ouais. Et le résultat, qui m'a pris mon chocolat. Oh là là. Et bien qu'elle s'étonne pas. Mais voilà. Mais qu'elle s'étonne pas le jour où Nicolas la quittera parce qu'elle aura des trop grosses fesses. Alors que lui voulait manger son chocolat à sa place. C'est ça. Ouais. Vous faites n'importe quoi. Ouais. Et là, vous pouvez vous dire, Manu, tu racontes n'importe quoi. Oui, je me suis fait larguer. Alors. On revient. Dans 3 minutes sur Énergie. On va écouter Drake. Et on va jouer ensemble au jeu des 5 mots. Ça arrive dans 15 minutes. On vous offre la console de jeux vidéo de votre choix. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Eh oui, c'est Manu. Sur Énergie. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits. Les plus gros hits. Toute la journée. Only. En octobre chez Ford, le compte à rebours est enclenché. Le monde n'a jamais connu ça. Serez-vous au bon endroit, au bon moment? En octobre chez Ford, profitez des Ford Days avec un crédit 0% sur l'ensemble de la gamme ainsi que la TVA offerte. Les Ford Days. c'est chez Ford. Ouverture dimanche 14 selon autorisation. Offre TVA sous forme de remise de 16,67% sur le prix hors option maximum jusqu'au 31 octobre. Crédit auto 0%, 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 48 mensualités de 208,34 €. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit jusqu'au 31 octobre. Voir Ford.fr. Cuisine Xina. L'anniversaire Xina, c'est un peu le vôtre. Hein? J'ai le droit à un cadeau? Non, pas un cadeau, mais 6. Pendant l'anniversaire Xina, jusqu'à 6 électroménagers offerts. Quand Xina, tout va. Voir conditions sur Xina.fr. Allez Cécile, on se secoue. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on file chez Citroën profiter d'offres exceptionnelles et des moteurs nouvelle génération. Les moteurs répondant aux nouvelles normes Euro 6.2 sont déjà disponibles chez Citroën? Non. Si. Pendant les jours C'est confort chez Citroën, profitez du meilleur du confort avec Citroën C3 graphique, doté des moteurs nouvelle génération Euro 6.2 à partir de 12 590 €. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Offre valable jusqu'au 30 octobre sous conditions de reprise dans la limite des stocks disponibles. Détails sur citroën.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Papa, on voudrait partir en week-end avec Hugo et Thomas, mais on aurait besoin de ta voiture. Et qui va conduire? Thomas, il vient d'avoir son permis, mais il conduit super bien. Bon, ok. Oh, merci. Dis-moi, Thomas, c'est bien celui qui est hyperactif? Ouais, mais ça va mieux. Parfait. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. En octobre, pour l'achat d'un nouveau T-Roc, profitez d'une reprise plus jusqu'à 3 500 € sur votre ancien véhicule, sous condition de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale. Conditions sur service-public.fr et Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 13 et 14 octobre. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactyle se poser sur leur balcon. Ouais. Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99 €. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99 €. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Toyota. Allez, on se fait un ni oui ni non. D'accord. Il est stylé ton nouveau SUV. C'est un Toyota CHR hybride? Tout à fait. C'est bien l'hybride. En plus, c'est sans condition. Du coup, t'as dit oui à l'hybride? Oui. Perdu! Bon, enfin, pas vraiment, j'ai gagné 3 500 €. En octobre, dites oui à l'hybride et profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 3 500 € sans condition sur le SUV Toyota CHR hybride 9. Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur Toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 7h32, on est, oui, on est en retard. On est en retard, mais est-ce qu'on a vraiment fait du mal à la planète? Non, excusez-moi, je trie mes déchets. Donc voilà, c'est pas grave. On va écouter Drake et juste après, on joue au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. On vous offre la console de jeu de votre choix. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Toujours cette alerte aux orages dans le sud de la France ce matin. 3 départements sont concernés, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Sinon, les éclaircies vont revenir en force aujourd'hui avec même du grand soleil dans la moitié nord. Nouvelle dégradation dès demain en revanche. Au meilleur de la journée, il fera 21 à Montauban, 22 à Sochaux, 23 à Sedan, jusqu'à 24 pour Bergerac ce mardi. Les transports, la fac, les administrations, première grande journée de mobilisation nationale pour les syndicats aujourd'hui. Les fonctionnaires et les salariés du privé sont appelés à manifester dans tout le pays contre la politique du gouvernement. Plusieurs grands dossiers sont sur la table en ce moment avec des réformes à venir, notamment pour les retraites. Dans l'actu également, cette bonne nouvelle, malgré un climat social particulièrement tendu, on vient d'en parler, les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont plutôt le moral actuellement. L'optimisme des moins de 25 ans en France augmente assez nettement cette année de plus de 14 points selon un sondage. Pour 73% d'entre eux, le travail en intérim est un bon moyen de débuter une carrière. Un procès très attendu aujourd'hui, tout du moins un verdict, celui de Booba et Kaaris, le clash de l'été, l'affrontement à Orly, on s'en souvient, c'était au début du mois d'août. Un mois après le début du procès, donc, on saura à quoi ils sont condamnés. Booba et Kaaris risquent maintenant une grosse amende et même de la prison. Le Ballon d'Or, un trophée que tous les joueurs de foot rêvent de soulever un jour. Le nom du prochain lauréat sera dévoilé le 3 décembre. Hier, on a découvert la liste des finalistes, 30 noms au total, dont 6 champions du monde, plus Karim Benzema. On pense évidemment très fort à Griezmann et Mbappé pour concurrencer des géants comme Messi et Ronaldo. Les journalistes ont 2 mois maintenant pour choisir. Il revient après 4 ans d'absence. Georges Ezra fait un comeback remarqué avec Shotgun, son nouveau single, extrait de son deuxième album. Le Britannique a explosé en 2014 avec Budapest. Un succès un petit peu trop soudain pour un jeune adulte, revenu à peine, ça passera mieux donc, à peine de son tour du monde. Il s'est accordé une pause pour s'ouvrir à de nouveaux projets. Il a notamment créé sa propre émission radio en podcast intitulée Georges Ezra and Friends. Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir ma propre émission de radio. J'écoute régulièrement des podcasts, mais je n'en trouvais aucun sur la pop avec des artistes invités pour parler de leur musique sans se prendre la tête. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire moi-même ? C'est comme ça qu'est né George Ezra and Friends. On discute tranquillement pendant une heure sans chercher à sortir un scoop ou à faire le buzz. C'est un métier qui me fascine encore aujourd'hui et c'est vraiment intéressant d'échanger avec d'autres artistes sur les bons et les mauvais côtés de notre boulot. J'ai reçu Ed Sheeran pour le tout premier épisode et Elton John pour le dernier. Il y a eu aussi Rag & Bone Man, Sam Smith, Lily Allen, tout un tas de monde. Voilà, interview signée Morgan Barthélémy. Georges Ezra de retour avec Staying à Tamaras, son deuxième album. C'est la fin de ce flash, il est 7h35 et vous retrouvez Manu dans le 6-9. Bonne journée. C'est nous. Et bonjour. Dans 5 minutes, on va jouer au meilleur jeu radio du monde. Ça s'appelle le jeu des 5 mots. Ouais. C'est chez nous que ça se passe tous les matins aux alentours de 7h40 et on vous offre la console de jeux vidéo de votre choix. Vous nous appelez maintenant 0 870 42 48. On va s'écouter Drake. Mais avant ça, une question. Oui. Ouais. Avez-vous déjà cuit du riz, puis l'avez-vous réchauffé genre le lendemain au micro-ondes ? Bah oui. Oh bah ouais. Ouais. C'est une erreur. Ah bon ? C'est grave ? Oui, c'est grave, ça peut te faire mourir. Non, arrête. Oui. Écoutez bien, selon une étude britannique, nous avons déjà tous commis cette erreur qui peut nous rendre malades. Voilà. Le riz que nous avons cuit la veille ne doit pas être réchauffé au micro-ondes. Mais pourquoi ? 2 secondes, je tousse. C'est bon. Oh, le suspense. Voici la raison. Lorsque le riz refroidit à température ambiante, une toxine se multiplie et devient nocive pour celui qui la consomme. Elle est indétectable au goût ou à l'odeur. Oula. Mais... Voilà. On sait ce qu'on risque concrètement ? La mort. Ah ouais, carrément. C'est, non, ça peut nous rendre malade, vraiment. Okay. On est d'accord qu'ils nous préviennent un peu tard quand même. Là, franchement, c'est un peu tard. Honnêtement, ouais. Je veux bien croire que ça puisse poser quelques problèmes. Après, qui a déjà entendu autour de lui ? Gérard est mort hier, il a réchauffé du riz au micro-ondes. Ah ouais. La mort nulle. Voilà. Non, ça n'est jamais arrivé. Ouais, j'avoue, le discours à l'enterrement, il est pourri quoi. Ouais, c'est nul. Il a bien vécu et puis patatras le riz. Donc voilà, ça peut être évité, mais c'est pas dramatique, je pense non plus. Dans 3 minutes, c'est le jeu des 5 mots sur NRJ, le meilleur jeu radio du monde. On vous offre la console de jeux vidéo de votre choix, juste après Drake. Bienvenue, c'est NRJ, c'est Manu dans le 6-9, on démarre la journée ensemble. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Front of block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. bienvenue sur Énergie, il est 7h40, dans 4-5 minutes, juste après Vita, on va lire les messages, pardon, on va les lire, on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9, vous pouvez le faire, il y a souvent les questions que vous nous posez, nous allons y répondre dans 5 minutes. Ok. Avant ça, c'est le moment. La console de jeux vidéo de votre choix, on vous l'offre maintenant, c'est le jeu des 5 mots. Benjamin, bonjour. Bonjour, ça va les gars? T'es au moins? Ça va pas mal, Benjamin. Ah ouais. On est bien, on est content, comme chaque matin, on est heureux, on est là. Et toi, comment ça va? Moi, je suis heureux, hein, d'être avec vous là. Merci à toi. Ouais, continuez comme ça, franchement, rien à dire. Ah, ok. C'est marrant, j'ai été dans le bureau du patron hier, c'était pas le même truc que j'ai eu. Ah. Tu fais quoi dans la vie, Benjamin? Je suis chauffeur-livreur. Livreur de quoi? Des vêtements pour comme... Seiya. Des quoi, des vêtements de quoi? Pour les magasins Seiya. Ah, ah oui, Seiya, d'accord. Et du coup, t'as des réducs? Non. Non. Fin de la discussion. Ouais. Voilà, je suis que livreur. Hein. Bah voilà, bah, tu les livres. Hein. Et merci. Bah oui. Ah, Paulette vient de te dire merci. Merci de les livrer, j'adore Seiya. Voilà. D'accord, ok. Paulette, elle aime bien donner des dons de marque. Vous voulez la vérité? Je vais mais vous la dire. Pas du tout. Je vais vous dire la vérité. Paulette, elle adore donner des noms de marque à l'antenne parce qu'elle espère secrètement que quand elle donne le nom d'une marque, la marque lui envoie des trucs. Non, pas du tout. Regarde-moi dans les non, yeux. Non, mais je suis pas du tout comme ça. Bah non, bah là, tu te trompes sur moi. Tu vois, je suis un peu déçue. Tu penses Typiquement, la réponse de la fille qui sait que j'ai raison mais qui essaye de m'embrouiller. Je te connais. Vive les iPhones. Franchement, les iPhones, c'est sympa, mais enfin, si t'as une Porsche. C'est vrai. Benjamin, on joue au jeu des 5 mots tout de suite. Attention, le principe, je le rappelle, il est très simple. Quelqu'un d'équipe va sortir. Mais tu sais quoi maintenant, c'est Paulette. Allez hop. Ah, oui, d'accord. Allez, Paulette, hein. Tu reviens. Quelqu'un d'équipe va sortir du studio et c'est Paulette. Paulette sort du studio, elle est dans le couloir. Allez, Paulette, je compte sur toi. Hein. Mais elle n'entend plus, elle est dans le couloir. Oh. Elle n'entend plus, c'est pas grave, Benjamin, c'est le. Elle va revenir. T'inquiète pas, elle va revenir. Hein. Ah, okay. Ne panique pas. Elle est dans le couloir, elle n'entend plus ce qui se passe. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, je fais revenir Paulette, je fais pareil avec elle. Et si vous avez un mot en commun, eh ben c'est gagné. Il suffit d'un seul mot sur 5, ok? Ça marche. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Boisson. Soda. Palmier. Pomme. Bon. Santé. Médecin. Lit. Dormir. Princesse. Prince. Prince est refusé parce que c'est la même racine que princesse. Oh. Faut que tu l'aies un autre mot. Princesse. Château. Château est accepté. Ouais. Attention Benjamin, c'est parti, on va faire revenir Paulette et un mot en commun pour gagner. Il suffit d'un seul mot. Attention, elle est de retour dans le studio. Allez Paulette. Ça va? Ça va très bien. Ouais. Ok. Benjamin, tu encourages Paulette? Allez Paulette, hein. Je compte sur toi. Allez. C'est parti Paulette, on joue au jeu les 5 mots. C'est la PS4 Pro que tu voulais Benjamin, hein? Non, la Nintendo Switch. La Nintendo Switch? Oui. Ok, tu auras la Xbox One. Attention. La Nintendo Switch pour toi, peut-être dans quelques secondes, on y va, on joue au jeu les 5 mots. Boisson. Coca. Benjamin avait dit soda. Ah. Ouais. Oh. Ah. Palmier. Île. Ah non, pomme. Palmier, pomme. Ah oui, pomme. Ah, les fameuses pommes du palmier. Eh oui, bien sûr. Oui, oui. Benjamin a eu un petit moment de panique. Ouais. Oui, bon, ça arrive, hein. J'en ai souvent. Il reste 3 mots. Allez, allez. Santé. Médecine. Ah, c'est non. Dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas le même mot. Il avait dit médecin. Ouais. Oh non, oh, mais c'est pas possible. Pardon. 2 mots. Ok. Allez, allez, allez. Il reste 2 mots. Allez. Ok, ok, ok. Lit. Dormir. Oui. Oh yeah. Et ben voilà, c'est gagné. Il restait un mot, oui. Princesse. Royaume. Il avait dit château. Et ben voilà, heureusement qu'on a gagné avant. Ouais. Bien vu, Sherlock. Benjamin, c'est gagné. Ah, nickel. Bravo à merci, toi. Merci, merci. Tu repars, merci le Romain. Tu repars avec la Mega Drive. C'est ce que tu avais demandé. Non, la Sega, la Sega. Oui, mais c'est ça, la Sega Mega Drive. Benjamin, tu repars avec la Nintendo Switch, la console de jeu de votre choix. C'est tous les matins au jeu des 5 mots. Bravo à toi. Oh, merci, merci à vous, c'est gentil. Hein. Et ben, belle journée à toi et merci d'être là chaque matin avec nous. 7h45, on va répondre aux questions que vous nous posez sur l'application Manu dans le 6-9. Vous nous envoyez des messages vocaux, on les écoute et on y répond dans 3 minutes, juste après Vita et Slimane sur Énergie. Bon réveil, merci d'être là. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Tu ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là. Tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Sur Énergie, 7h48, tu veux ma voix qui part en sucette? Ouais, t'as un peu, ouais. chat dans la gorge. Ah non, là, j'ai un grizzly là. C'est, Alvaro Soler, on va s'écouter dans 3 minutes. On va doubler votre salaire à 8h05 et tout de suite, on répond aux questions que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Cool. Vous pouvez, je vous le rappelle, sur l'application, nous envoyer des messages vocaux pour tout dire, pour faire ce que vous voulez. On les écoute tous, on les écoute pendant l'émission et parfois il y a des questions. Ouais. Des questions que vous nous posez. Et ben on y répond. On démarre. Avec une question mariage. Oh. Salut Manu, salut les mamans. Alors voilà, moi je voulais juste avoir votre avis. J'aurais aimé demander mon petit chéri en mariage. Et je voulais savoir comment est-ce que vous prendriez le fait que ce soit une femme qui demande en mariage son conjoint. Voilà, bisous bisous. Question pour Nico, Glandu et moi. Imaginez, votre femme, votre future femme, c'est elle qui vous demande en mariage. Nico ? J'avoue que là-dessus, moi, je suis très vieille France, quoi. Très tradition, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est à l'homme d'aller voir le père de la future mariée pour lui demander la main de sa fille et de mettre le genou à terre. Oh là là. Ah, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ok, maintenant, je vais mettre un truc dans la balance. Oula. Ouais. Quand tu demandes ta femme en mariage, tu lui as offert une bague. Ouais. Économie ? Ah non, Manu, écoute. Non, je pense que tu fais la bague quand même. Hein ? Ah, tu fais la bague quand même. Ça s'appelle les fiançailles. Si, si. Bah, c'est la personne qui demande en mariage qui offre la bague. Ah ouais. Bah ouais, oui, donc, c'est vrai. Bah oui. Mais non, mais tu lui offres comme un retour une bague normalement. Ouais, forcément. Dans les fiançailles, il y a forcément une bague retour. Ouais. Bah alors, excusez-moi, mais moi j'ai pas eu de retour de bague de fiançailles. Ah, t'as rien eu toi? Ah, ok. Toi, oui. Ah, moi j'ai eu un petit cadeau quoi. Tu dis quoi? Ouais, j'ai mon vélo, moi, c'est mon cadeau des fiançailles, mon vélo. Elle m'a offert un vélo parce qu'elle m'a dit qu'est-ce que tu veux. Ouais, t'as un cadeau. Tu fais un cadeau pour les fiançailles. Ici, ouais, normalement. Bah oui, mais j'ai pas eu moi. Oh, peut-être que tu poses des questions dès le départ, c'était, bah non, mais... c'était compliqué, non, l'histoire. Mais demande maintenant, ah ça ouais. T'est dû. Ah bah oui, bah oui, c'est dû. Attends, c'est rétroactif. Bah oui, non, attends, ça marche. Ah bah je vais l'appeler, je vais lui demander. Dis-moi, oui. Tu me dois notre cadeau de frontière. C'est cool ça. On va écouter un autre message. Manu, salut l'équipe. J'ai une question pour toute l'équipe. Avec quel membre de l'équipe vous seriez incapable de vivre en colocation? C'est une bonne question. Ouais. Allez, on fait le tour, Isabelle. Glandu, ah, moi, c'est impossible. Ah, mais attends, moi j'ai déjà 3 enfants, donc pas un 4e. Merci beaucoup. Oh, ok. Bah moi ce serait Isabelle. Parce que ça aurait l'impression de retourner vivre chez ma mère. Voilà. Chacun chez soi. Très bien. Nico. Ouais, moi sans hésiter, bah Paulette, hein, je pourrais pas. Hein. Elle est trop, je m'en fous de tout, quoi. Il y aurait du monde tout le temps, ce serait pas rangé, chiant, quoi. Je peux pas, moi je peux pas. Alors là, j'avoue que je suis avec Nico. Si je devais choisir quelqu'un avec qui je pourrais pas être en coloc, c'est toi, Paulette. On est d'accord. Ah ouais, bah mais pourtant, tu t'amuserais. Oh. Non. J'aime pas les gens prétentieux. Bon, bah, t'en place à Paulette. Avec qui tu pourrais pas être en coloc? Avec Nico. Je pourrais pas parce que ce serait l'embrouille dès la crémaillère. En fait, moi, j'aurais envie de plein de gens, de la musique, des gobelets en plastique. Puis, voudrais un apéro calme avec des verrines et un peu de guitare. Ouais, ouais. Ah, mais ça me va, hein. Moi, j'assume à 2000%. Un apéro avec des verrines et un peu de guitare. Le cliché. Allez, on écoute une autre question que vous nous avez envoyée sur l'application Manu dans le 6-9. Coucou les ouin-ouin. J'ai une question existentielle dans l'ascenseur. C'est à la personne qui sort de l'ascenseur de dire bonne soirée ou c'est à la personne qui reste dans l'ascenseur de dire bonne soirée? Bonne journée. Oh. Ah, qui c'est qui dit au revoir dans l'ascenseur? Isabelle? Moi, je dis le mieux, c'est de le dire ensemble, en cœur, dans un moment, tu vois, de grande, grande complicité d'ascenseur. Ouais. Et là, la vie est magnifique, la vie est belle. Oh non. Isabelle? Bonsoir. Isabelle, ouais. T'en fais trop. Ouais. Nico? Non, pour moi, c'est celui qui sort de l'ascenseur, c'est à lui de dire bonsoir. C'est lui qui quitte le navire, donc il doit dire au revoir. Hein. Alors, moi, je suis comme Nico. Bah c'est la personne qui rentre. Dit bonjour, ouais. Et la personne qui s'en va dit au revoir. Ah, ouais, ouais. Ah oui. Pour moi, c'est celui qui, le premier qui a dit bonjour en rentrant, et ben il a pas à faire l'initiative de dire au revoir. Donc faut se rappeler qui a dit bonjour en rentrant pour être le premier à dire au revoir. Ok, mais imagine t'es 8 dans l'ascenseur. Et ben tu te rappelles dans l'ordre chronologique qui est rentré en premier. On est d'accord que Glandu a vraiment rien à foutre de ces journées. Ah ouais, mais c'est un bon exercice. Quand Glandu prend l'ascenseur, il a un petit calepin avec lui. Alors Bernard de la Comta, il a dit bonjour. Josiane des ressources humaines, elle a pas dit bonjour, donc c'est à moi de lui dire bonjour. Au revoir. Mais si elle se trompe des tâches, du coup, ça va lui dire bonjour. Bien. Bon, c'est quoi? Moi, je vais prendre l'escalier. Ouais. Okay. 7h53, n'hésitez pas à nous envoyer des questions sur l'application Manu dans le 6-9 et on y répond. Vos messages vocaux, on les écoute pendant les émissions tous les jours. Alvaro Soler, tout de suite pour vous. Bon réveil. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar.

Mais je suis content de le savoir. On est encore plus déprimé, moi. Alors, franchement, le coup de. Il fait un peu frisqué, mais un manteau, on va aller faire une balade en forêt. Oh là là. Mais c'est trop bien. Non. Oh là là, allez respirer un peu. Mais vas-y toute seule, respirer dans la forêt, ta balade en forêt, fous-moi la paix. Il est 8h05, on va écouter Calvin Harris dans deux minutes, mais avant ça, c'est parti, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Fabrice habite Montauban, c'est dans le Tarn-et-Garonne, il a 43 ans, il touche 1500 euros chaque mois. Fabrice, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Il s'est inscrit sur énergie.fr, il a eu raison. C'est parti Fabrice, décroche ce téléphone. S'il te plaît. Allô? Voilà, il fallait dire s'il te plaît. C'est Fabrice? Oui. Fabrice de Montauban? Oui, c'est bien ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et ben voilà Fabrice, c'est fait. Super. Je vais doubler ton salaire, 1500 euros x 2, ça va faire 3000 euros pour toi. C'est super. C'est super. Fabrice, tu es professeur de guitare. Absolument. Oh. Ah ouais, c'est donc toi qu'on appelle le roi de la drague. Aussi. Évidemment. Eh mais tu veux dire les mecs qui savent jouer de la guitare en soirée, ouais. Tu sais quoi, ouais. Quand tu vas dans une soirée, tu sais qu'il y a un mec qui joue de la guitare, bah, tu vas dans une autre soirée. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai que là, pour Fabrice, c'est le, t'as le truc en plus, quoi. T'as le label prof, quoi. Ouais, ouais. C'est moi, ouais, je suis meilleur que les ouais. autres. Tu sais quoi, maintenant c'est vrai qu'en concert, ça marche bien quand je joue. C'est vrai que ça fonctionne. Bah, voilà, bien. Voilà, voilà, voilà. Il est guitariste. Quoi. Tu sais ouais. quoi, à partir de maintenant, je vais aller dans les soirées uniquement où il y a que des manchots. Je suis sûr qu'ils feront pas de guitare. Et encore, ils joueront mieux que moi, putain. Mais c'est là où la contre-soirée cuisine prend tout son sens, quoi. Ouais. Quand t'as le guitariste dans le salon, et bah tu te rabats sur la cuisine, quoi. Ouais, mais souvent tu fais une contre-soirée dans la cuisine, et puis t'as les filles, elles font ouh, y'a quelqu'un qui joue de la guitare. Et, c'est vrai. Et là-bas, t'as Fabrice, il sait. Et je sais que et tu voilà. sais que je sais qu'il sait et que ouais. je sais que tu sais. Puis. Merde. Je sais que ça fonctionne bien. Tu sais quoi, j'ai pris les cours de guitare à un moment. Ouais. J'ai arrêté parce que j'avais un énorme problème. En fait, je me suis aperçu que j'avais un problème psychomoteur. Ah bon, ah bon. Je n'arrive pas à chanter et en même temps faire un rythme à la guitare. Ah c'est mince, vrai. C'est embêtant. Ouais. C'est, vrai. C'est marrant. Ouais. On a tous des petites tares. Bah, moi, c'est celle-là. Ouais. J'arrive pas à faire un rythme différent. Je suis obligé. Du coup, je fais le rythme de la mélodie. Ah. J'arrive pas. Fabrice, t'as pas un conseil à part arrêter la guitare? Alors, éventuellement, tu peux taper du pied avant de vouloir chanter. Tu peux taper du pied. On va dire battre la mesure en même temps que tu joues. Déjà, si tu arrives à faire ça, ça sera un premier pas pour après peut-être pouvoir chanter. Ouais. Tu m'as pris pour un nul, hein. Eh ben, je vais te dire un truc, t'as complètement raison. Non seulement tu dragues toutes les nanas, et en plus tu m'humilies en direct. Y'a pas de mal. Fabrice, je suis désolé. Eh ben, tu sais quoi? Je ne suis pas rancunier, espèce de salaud. Je te double ton salaire. 3000 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup. Eh ben merci à toi d'être là chaque matin avec nous. Il est 8h08, ça peut vous arriver vous aussi. Il suffit de vous inscrire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com tous les matins, 7h05 et 8h05, on double votre salaire. Il y a pire que nous, les amis dans le monde. Il y a ouais. bien pire que nous, ça s'appelle les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vous raconte leurs histoires dans 3 minutes, juste après Calvin Harris. Are you drunk or not? Now they judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. 8h11. Bon réveil sur Énergie. Pour oublier. Ça, j'aurais pu la chanter. Wow. Kenji arrive dans 3 minutes, mais avant ça, voici comme chaque jour pour vous des gens improbables qui font des choses improbables. Ça s'appelle les concours du jour. Et je vous raconte leurs histoires chaque matin. Yes. On démarre en Suisse. Une femme au volant s'aperçoit qu'elle a oublié son paquet de pain d'épices sur le toit de sa voiture. Ah. Mm-hmm. Mais elle roule. Du coup, elle s'arrête pour le récupérer, mais dans une montée et sans mettre le frein à main. Oh. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. La voiture a commencé à reculer. Elle a déballé la pente. Elle a percuté 3 voitures garées. Coût des dégâts, 50 000 euros. Oh purée. Aïe, aïe, tout aïe, aïe, ça pour du pain d'épices, alors qu'en plus, c'est même pas bon. C'est vrai. Deuxième concours du jour, ça se passe en Bretagne. Un automobiliste fait arrêter pour avoir roulé à 190 km/h au lieu des 100 autorisés. Son explication. Je n'ai pas supporté d'être dépassé par une autre voiture. J'ai tenté de la rattraper pour la doubler à nouveau. Alors le mec a plus de permis et il a pris un gros PV. Hein. C'est donc ça qu'on appelle la fierté masculine. C'est ça. C'est exactement ça. Oh, c'est pas bien. Hein. Alors ça ne marche pas. Mais vous savez quoi ? Quand je vous dis que je supporte pas d'être doublé à Mario Kart par ma fille et que je veux lui débrancher la manette pour gagner, et bah il y a pire que moi. Oui, voilà. Il le fait en vrai. Ça trouve ce mec, il lançait des bananes sur les gens dans la rue. Dernier concours du jour, ça se passe dans la Loire. Une entreprise qui devait installer des poteaux électriques de nuit dans une rue a créé une petite surprise auprès des habitants le lendemain au réveil. Ils avaient installé un des poteaux au milieu de la route. Mais quand je dis au milieu, c'est vraiment au milieu de la route. Ce qui a empêché toutes les voitures de circuler. Oh, c'est incroyable. Alors, ils ont évidemment, la mairie a contacté l'entreprise et les mecs ont dit « Ah bah on a apparemment mal calculé. Hein. » Ah bah oui. Et à aucun moment, moment, le mec qui mettait le poteau s'est dit « Quand même bizarre de le mettre au milieu de la route. » C'est dingue. J'avais un truc à faire, j'ai pas fait. Allez, 8h13, on revient tout de suite sur Énergie. Manu, dans 6-9. Sur Énergie. Energy. I do it so long. Music only. Things gonna be alright. your city runs into my dreams. Darling, I look about the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Yann Barthès. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est son anniversaire, Yann Barthès. Ah, bon anniversaire. 57 ans. Non, mais non, tu délires. Non, vraiment, tu délires. Non, 57 il a 57 ans. Ouais, il les fait pas, hein. Oh, bah, pas du tout. Bah, non, mais il a... non, c'est pas vrai, il a 44. Ah, t'es lourd. Hein. Et alors, il cartonne dans le quotidien tous les soirs sur TMC. Ouais. Il a dit à propos des audiences, je me moque totalement d'être le numéro 1. Ah. Il est encore plus énervant du coup, quoi. Ouais. C'est quoi ? Ça me rappelle le premier de la classe qui révisait rien quand le devoir était là et que ouais. Le mec il avait 20. Toi, tu t'es fait une nuit blanche et au final t'avais un 10,5. Ouais. Putain, la vie est injuste parfois. Ouais. 8h17, on va écouter Kenji tout de suite et juste après on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Le principe est très simple, on donne des exemples où dans la vie, il y a deux types de personnes. Ouais. Par exemple, dans la vie, il y a deux types de personnes. Mm-hmm. Ceux qui disent chocolatine et ceux qui disent pain au chocolat. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Je vous rappelle qu'on dit pain au chocolat. Bon. On fait ça juste après Kenji, c'est pour oublier sur Énergie. Bon réveil, merci de nous avoir choisi pour démarrer la journée. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. On passe à pleurer sa moncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois.

Les transports, la fac, les administrations, première journée de mobilisation nationale depuis la rentrée pour les syndicats. Les fonctionnaires et les salariés du privé sont appelés à manifester dans tout le pays contre la politique générale du gouvernement. Plusieurs grands dossiers sur la table avec des réformes à venir, notamment pour les retraites. Dans l'actu, il y a aussi ce climat social particulièrement tout tendu, c'est vrai. Et pourtant, les nouveaux arrivants sur le marché du travail ont plutôt le moral. L'optimisme des moins de 25 ans en France augmente assez nettement cette année de plus de 14 points selon un sondage. Pour 73% d'entre eux, le travail en intérim est un bon moyen de débuter la carrière. Booba, Kaaris, suite et fin, un mois après leur procès, deux après leur bagarre à Orly. Les rappeurs seront fixés aujourd'hui sur leur sort. Le tribunal rendra sa décision ce mardi concernant le clash de l'été. Booba et Kaaris risquent une grosse amende et même de la prison. Verdict le 3 décembre, les journalistes ont un petit peu moins de deux mois pour désigner le prochain Ballon d'Or. On connaît d'ailleurs la liste des 30 nommés depuis hier. Les Français sont évidemment bien représentés. 6 champions du monde, plus Karim Benzema parmi les favoris. Mbappé et Griezmann pourraient bien décrocher le trophée tant convoité, même si la concurrence est rude avec notamment Messi ou Ronaldo. Il ramène toujours un petit quelque chose de ses voyages. Après un break de 4 ans, Georges Ezra revient avec Staying at Tamaraz, son deuxième album composé en grande partie à Barcelone. On y retrouve le single Shotgun, sorti cet été avec une vidéo assez décalée postée sur Internet. On le voit chanter devant toutes sortes de paysages, sorte de mini tour du monde ou presque. Le Britannique est un expert du système D. C'est l'un des clips les plus simples que j'ai eu à tourner. Un jour, ma maison de disques m'a envoyé un email pour me demander une vidéo pour Shotgun. On avait 2 semaines pour tout boucler, mais on était coincé aux États-Unis. Du coup, on est parti louer une caméra et on a rempli un sac IKEA avec tous les t-shirts que j'avais avec moi. On a débarqué à Central Park et je me suis filmé en train de chanter avec un arrière-plan différent à chaque séquence, devant un mur de briques, devant une rivière. Le parc est tellement grand qu'il y a tous les paysages possibles. Le lendemain, en concert à Philadelphie, je me suis mis dos à la foule et on a tourné la dernière scène tous ensemble. C'était génial. Ouais, interview signée Morgan Barthélémy, Georges Ezra de retour avec Staying at Tamaraz, son deuxième album. 8h32, fin de ce flash, mardi 9 octobre. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie avec Manu dans le 6-9. On est là. Et bonjour. Il est 8h33 et comme chaque matin, on démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9 avec tous les ouin-ouin du matin. Il y a Isabelle. Salut. Il y a Nico. En forme. Il y a Paulette. Au taquet. Il y a Glandu. Bouillant. Chaud bouillant, coco. Bouillant, bébé. On va écouter Shawn Mendes juste après. Ce seront les sondages du matin. Avant ça, je vais appeler quelqu'un maintenant. Ouais. Hein? Il y a, je sais pas, il y a une demi-heure, je sais plus quand on parlait du mariage. Bon, bref. Il y a quelques minutes, on a parlé du mariage et de la demande en mariage. Oui. Et vous m'avez appris un truc. Quand quelqu'un fait la demande en mariage, il offre la bague, ouais. C'est ce que j'avais fait, et il m'avait dit qu'il y avait un cadeau en retour. Ouais, normalement. En général, l'autre fait un cadeau. C'est ça. Et je vous ai dit, j'ai pas eu de cadeau. Normalement. Alors, je suis séparé depuis cet été. Je vais quand même appeler mon ex, du coup. Non, Manu. Elle me doit un cadeau. Mais non. Ça ne se fait pas, là. C'est chaud, là. Tu joues avec le feu, là. Bah, elle me doit un cadeau. Ouais. Bah oui, c'est vrai. C'est logique. Parce qu'on dirait pas qu'il y a prescription, quand même. Parce que ça se fait pas trop. Bah, c'est facile de dire qu'il y a prescription. Parce que là, il y a prescription sur tout, hein. Ouais. J'appelle. Oh là là. Ouais. Tu restes en bon terme, quand même. Ça va. Oula, c'est un petit ça va. Des petites tensions de temps en temps, mais globalement ça va. C'est bien parce qu'elle est pas, allô sanguine. Elle est pas sanguine. Non, elle démarre jamais au quart de tour. Ouais. Allô. Allô. Oui, tu es en direct à la radio. Ne me crie pas dessus, s'il te plaît. Ah bah j'ai cru qu'on. Déjà, j'entends. Elle est pas sanguine. Non, elle part au quart de tour. Ça commence bien. Ouais. On est séparés, mais elle m'écoute encore à la radio. J'ai pas écouté à la radio, c'était dans le téléphone. Ah oui, à l'instant, c'est vrai. J'ai décroché, vous avez même pas entendu, j'avais décroché. Ah merde, pardon. T'aurais quand même pu dire que tu m'écoutais quand même encore. Bon, alors, t'écoutais pas la radio là? Là, je viens de déposer Lyros à l'école, t'as vu l'heure quand même, donc je faisais un petit câlin, tout ça, tu vois. Ah, elle va encore à l'école. En tout cas, je vois que depuis qu'on est séparés, alors toi, t'es au taquet de notre vie, hein. Oui, effectivement, je raconte un peu notre vie. Bon, j'ai dû raconter. Alors, je t'explique. Tout à l'heure, on a parlé de mariage. Tu te rappelles que je t'avais fait une belle demande en mariage, quand même, à l'époque? Je rigole, oui, je m'en souviens. Bon. Alors, il paraîtrait, c'est pas moi qui le dis. C'est, c'est Nico, il l'a dit, Paulette, Glandu et Isabelle aussi. Tout le monde l'a dit. Il paraît que quand on fait une demande en mariage et qu'on offre la bague, l'autre, en général, fait un cadeau de fiançailles aussi. Excuse-moi, je crois que tu me dois un cadeau. Pardon ? Je crois que tu me dois un cadeau. Mais attends, mais ça me paraît évident que le cadeau, c'était moi. Excuse-moi. Tu veux pas plutôt me donner une box? Non, alors, en revanche, tu sais, il paraîtrait quand on est enceinte et qu'on fait un bébé que le papa fait un cadeau à la maman. Et il est où mon cadeau? Bah, le cadeau, c'était moi. Ça fait un partout. Non, mais je rêve. Tu veux en plus un cadeau? Non, mais attends, t'es un boulet. Je coupe le. Bon, écoutez, j'ai tenté. On les quitte. Tu m'as pas offert de cadeau pour le mariage après la bague, je t'ai pas offert de cadeau pour le bébé. Ça va? Non, parce que moi, pendant 9 mois, j'ai grossi, je pouvais rien manger, j'ai eu des nausées. Donc non, pendant un peu plus que 9 mois. Quelle horreur, t'es horrible. Vous voyez ce que j'ai enduré. Non mais sans déconner, sans parler des jeux vidéo et de tout ce qui va avec. Oula. Merci, le moment où on se sent gêné. Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas là à votre rupture, mais là, l'ordi est là, c'est une rupture. Ça me fait plaisir de vous avoir, je vous manquais. Oui, vachement. Ouais. C'est pas gentil. Bon, je sais que je te manquais pas. Non, moi. D'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait que je te manque pas parce que je me trouve quand même génial. Je me dis que c'est pas normal que je te manque pas. Non, la vérité, c'est évidemment que tu me manques un peu, mais il y a tellement de bons jeux vidéo qui sortent. Tu sais quoi? Ça faisait 10 ans que j'avais pas terminé un jeu, je suis en train de finir Spider-Man, pour vous dire. Pourtant, c'est pas moi qui t'empêchais de les finir, parce que j'ai l'impression que t'en as fini quand même beaucoup avec moi. Ça veut dire que tu faisais autre chose. D'accord. Oh là, démasqué, elle est partie. Mais l'encre des lits, d'accord. Et inspecteur, c'est bon? Bon, alors donc du coup, j'aurai pas de cadeau, c'est pas grave. Non, t'auras pas de cadeau, non mais j'aurais venu réclamer un cadeau, non mais n'importe quoi. En plus déjà. Excuse-moi, elle est partie parce que ce qu'elle veut faire comme métier plus tard, c'est poissonnière. Tu sais que je pourrais te raccrocher au nez. Oh non! Ah non, parce qu'en plus, c'est ce que tu voudrais! C'est génial! Ça a pas changé finalement. Bon, non, ça n'a pas quoi? C'est bien parce que qu'on soit ensemble ou qu'on soit plus ensemble, c'est toujours la même chose. Évidemment, je suis génial! T'aimerais écouter Shawn Mendes? Et là, t'aimerais bien que je dise oui. Tu peux me dire non, on va l'écouter quand même. ça me ferait plaisir d'écouter Shawn Mendes. Ok, il est pour toi, c'est notre chanson. On se tient au courant? Ouais, on s'appelle, on se fait une bouffe. Bisous, Beko. Ciao, on se tape et give me five. Bisous. À toute choucroute, bisous. C'est une rupture réussie, ça. Ah oui, elle est réussie. Ouais. Bah, ça, ce qui m'agace, c'est qu'elle a l'air très très joyeuse. Elle a l'air bien. 8h39. Bah, Shawn Mendes, c'est notre chanson à nous. Allez. Bon, réveil sur Energy. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Phone again, feeling anxious. I afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. I need somebody now. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Sur Énergie, il est 8h42, on va écouter le dernier soprano, ça arrive dans 3 minutes, mais avant ça, comme chaque jour, voici les sondages du matin. Oui. Il faudrait en moyenne 3 mois pour faire ça. Pour faire quoi ? Trouver un appart. C'est pas ça. Ranger tous les placards de la maison. C'est pas ça. C'est un truc que tu fais sur ton corps ou pas ? Non, c'est non. Pas sur ton corps. Ok. Ouais. C'est psychologique ? C'est psychologique. Ah ouais ? C'est pas une construction où on fait quelque chose, c'est psychologique. Se remettre d'une grosse soirée. Non, mais c'est se remettre... D'une rupture. Ah d'une oui. Rupture. Waouh. Il faudrait en moyenne 3 mois pour faire ça, se remettre d'une rupture. C'est long. Ah ouais, je trouve que 3 mois, c'est pas beaucoup quand même. Ah ouais. Ah ouais. C'est long, non, 3 mois. Ça dépend les mecs, dis donc. Ouais. Mec, y a pas de sentiment. Ah ouais. Ouais. 3 mois de ta vie. Ouais, ça dépend de qui a rompu en fait. Bah oui. Ah allez, oui, voilà. Oui, oui. Si c'est toi qui t'es barré, normalement, toi, 2 heures. Et encore 2 minutes si tu règles bien et que t'as ton Tinder qui est prêt. Oh, quelle horreur. Oh, non. C'est pas possible. Selon une étude, le faire est aussi stressant que de sauter en parachute. Faire quoi ? Passer le bac ? Non. Le permis. Passer le permis. Alors, c'est pas passer un examen. Ah. Mais c'est encore une fois, c'est psychologique. C'est demander quelque chose. Ah. Selon une étude, le faire est aussi stressant que de sauter en parachute. Demander en mariage ? Non. Tu le fais devant une foule ou pas du tout ? Non. Tu le fais en général, il y a une seule personne en face de toi. Dire qu'on veut un bébé ? Non. C'est en couple, c'est au boulot ? C'est pas en couple. C'est au boulot ? C'est au boulot. Ah. Ah ouais ? Demander une augmentation ? Exactement. Oh, ouais. Ah ouais. Selon une étude, c'est aussi stressant que de sauter en parachute de demander une augmentation. Ouais. Ah ouais ? Oh. J'y vais pas. Ouais, mais enfin, à un moment, quand tu sautes, ouais. Tu t'écrases. 4 femmes sur 10 disent avoir déjà cuisiné de cette manière. Comment elles ont cuisiné, ces 4 femmes sur 10, voilà. Isabelle ? En chantant ? Non. En dansant ? Non plus. Dans le noir ? Enfin, elles ont pu chanter et danser, mais c'est pas ça. Elles ont pu aussi le faire dans le Loir, mais c'est pas ça. C'est un truc que tu fais genre pour un repas de famille ou... Alors non, surtout pas un repas de famille. Ah je le déconseille de cuisiner comme ça un repas de famille. C'est quelque chose qu'elles portent. Justement, elles ne portent rien puisque c'était cuisiné nu. Ah, effectivement, oui. Et on ne le fait pas un repas de famille. Non, c'est pas bien. Ou alors c'est à tabouret comme chaque année qui fait son petit, son petit cercle, son petit spectacle. Mais surtout, c'est dangereux. Ah, c'est dangereux, oui, de cuisiner nu, bien sûr, ouais. Effectivement. Voilà. Oui. Voilà, merci pour ces conseils cuisine. D'autres conseils demain, évidemment, par exemple, ne roulez pas à bord d'une voiture en feu. Oui. Allez, 8h44, les sondages du matin, ils reviennent demain, évidemment, à la même heure. On va s'écouter Soprano. Et juste après, nous allons répondre à cette question. En quoi votre partenaire n'est parfois pas du tout romantique ? Okay. 0 870 42 48. Je vous dis ça parce que j'ai trouvé en fait sur un forum cette question avec des réponses comme par exemple le surnom que ma copine me donne dans le couple est Trouduc. Effectivement. C'est pas romantique. Non. Quelle est la chose que votre partenaire fait parfois qui est pas du tout romantique ? 0 870 42 48. De la poésie et de l'amour sur Énergie. C'est juste après Soprano. Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie. Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'attendra merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la, la, la, la. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a su. Mais surtout, ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit, laï, laï, laï, laï, la, la, laï. À la vie, à l'amour. Sur Énergie, 8h48, on va écouter le dernier Georges Ezra dans 2 minutes. Mais avant ça, pas de romantisme. Ah, dommage. Je vous rappelle que j'ai trouvé sur un forum de discussion cette question. En quoi votre partenaire n'est parfois pas du tout romantique? Dans les réponses, il y a ma copine dit je t'aime au chien tous les matins avant de quitter la maison, et à moi elle dit à plus. Le surnom que ma copine me donne dans le couple, c'est Trouduc. Oh. Et un petit dernier, si mon copain doit faire pipi et que je fais déjà pipi, il fait pipi entre mes jambes. Oh, oh. Mais non. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors ça. Oh non. Alors là, on a mis la barre très haute. Ah ouais. En quoi votre partenaire n'est parfois pas du tout romantique? 0 870 42 48. Ou sur Twitter, Nico. Moi j'aime ma femme hein, mais elle est assez adepte de. Dès que je rentre à la maison, c'est pyjama chaussettes. Hein, ouais. Elle fait ça quoi. C'est pas très romantique. Eh ouais, j'avoue que ah ouais, c'est un automatisme et tout, et c'est ouais, un truc que tu regardes. Tant, tant qu'elle te met pas un pyjama et des chaussettes. ça me va. Ça peut aller. Lindsay, bonjour. Bonjour Mani, bonjour les Wawa. Salut. Bienvenue sur Énergie. En quoi ton mec n'est pas très romantique parfois? En fait, nos toilettes sont dans la salle de bain et il rentre pendant que je me brosse les dents pour aller aux toilettes. Oh, ah ouais, c'est pas ouf, ça va pas bien. Faut que tu fermes ma clé. Ouais. On n'a pas de verrou. Ah, change de mec. Non, non, achète un verrou, c'est mieux quand même. Merci de nous avoir appelé, Lindsay. Il y a Edeline sur Twitter qui dit mon copain m'offre de l'argent à Noël. Ah ouais, ouais, c'est pas ah, terrible. Ouais. C'est aucun pas, effort. C'est pas oh, très non, romantique. Ouais. Qu'est-ce que fait votre mec, votre nana ou votre ex qui n'était pas romantique, Paulette? Ouais, mon ex, moi, parfois, il faisait des bruits de prout avec sa bouche en m'embrassant. Il trouvait ça hilarant, apparemment. En t'embrassant? Oui. Oh, c'est rigolo. Il faisait... Oh, c'est rigolo. Ouais, ouais. Ouais, moi, ça a cassé un peu le délire, je t'avoue. Bon, c'est pas très romantique, mais ouais, c'est rigolo. Ouais. Audrey, bonjour. Hello. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce que fait ton mec de pas très romantique? Bah en fait, il me dit ouais, non, mais le mariage, c'est quand même un truc qui coûte super cher pour une journée qu'on voit pas passer, ça sert à rien. Enfin, voilà. Alors que bah, je rêve de me marier, moi, je suis une fille. Hein. Ah, Ouais. Vous savez que je suis quand même un mec assez romantique et j'ai adoré mon mariage, mais c'est vrai que ça coûte une blinde. On va pas se mentir. Hein. Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Moi aussi, je me suis marié, je me suis séparé. C'est là que tu prends conscience. Non. Non, mais franchement. Faut pas y penser au prix en fait. N'y pensez pas. Ah non, mais alors, t'y penses pas avant. Après, t'y penses pendant 2 ans pour les crédits. C'est ça. Merci de nous avoir appelé, Audrey. Il y a Jade sur Twitter qui dit il a sa propre couette. C'est vrai que c'est pas très romantique. Ça commence chacun sa couette, ensuite chacun son lit, ensuite chacun sa maison, chacun sa femme et son mec. Bah, bon, après, ça s'appelle un divorce. Qu'est-ce que fait votre mec, votre nana ou votre ex de pas romantique, Glandu? Moi, mon ex me disait ok, on fait l'amour, mais vite fait parce qu'après, faut que je dorme. Oh non. Ouais, elle me disait ça parfois. Oh, ça casse. Putain, la pression, mec, t'as 2 minutes. Alors, honnêtement, ça m'arrange. Non. Qu'est-ce que fait votre mec ou votre nana de pas romantique, Isabelle? On n'a jamais fêté une seule Saint-Valentin. Ça fait des années qu'on est ensemble, hein, plus de 20 ans. Et donc, il déteste ça. Il déteste la Saint-Valentin. Alors que moi, tu vois, je serais pas contre une petite surprise quand même. Il te sent l'excuse du non, mais c'est trop commercial. Exactement. Ouais. C'est pas naturel. Ouais. Il fait pareil pour Noël. Ouais, il fait pareil. Sur Twitter, il y a Mélissa qui dit: le matin, mon copain me secoue les cheveux en disant elle a bien dormi? Comme pour un chien. Oh, dur. Écoute, Mélissa, tant qu'il t'amène pas des croquettes au petit-déj, sois contente. 8h51, Georges Ezra sur Énergie, c'est le nouveau, s'appelle Shotgun. Bon réveil. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Like 8h54, soyez les bienvenus sur Énergie. Comme chaque matin, on est là avec vous pour démarrer la journée. C'est les ouin-ouin du matin. Et pourquoi on est là? Parce que comme ça, vous pouvez dire, il y a pire que moi. C'est vrai. Et je vais même vous prouver maintenant qu'il y a pire que vous. Ouais. Vas-y. Nico. Ouais. Ça va être ton moment de gloire. Oula. Nous avons réalisé, sans te le dire, une petite vidéo magnifique que nous allons mettre maintenant sur notre page Facebook et sur manudansle69.com. Qu'est-ce que c'est? Nous avons fait une compilation de toi qui fais plus attention à ton look qu'autre chose pendant l'émission. Vous ne le savez pas, parce qu'évidemment, vous ne voyez pas les images. Mais ça, Nico passe ses émissions à se remettre les cheveux en place. Ouais, c'est mais tout le temps. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est vrai, c'est un toc que j'ai, quoi.